Les nuits de France Culture. Comment faut-il lire les mythes pour en comprendre la fonction ? C'était la question à laquelle répondait René Girard dans le troisième des 9 entretiens autour de son livre « Des choses cachées depuis la fondation du monde » que Roland Auguet programmait dans les chemins de la connaissance en 1978. René Girard exposait la manière dont lui lisait les mythes, la jugeant plus capable que celle de Freud et celle de Lévi-Strauss de révéler leur efficacité sociale. Pour cela, il se référait à 2 mythes que Claude Lévi-Strauss avait rapprochés dans le totémisme aujourd'hui. L'un appartenant aux Indiens Ojibwa de la région des Grands Lacs d'Amérique du Nord et l'autre aux Tikopia, peuple d'une petite île du Pacifique. Les chemins de la connaissance, René Girard, des choses cachées depuis la fondation du monde, troisième des 9 entretiens, l'interprétation des mythes, diffusé le 20 décembre 1978 sur France Culture. René Girard, dans les précédentes émissions, vous nous avez expliqué comment la mimésis engendrait un processus cumulatif de violence qui aboutit au sacrifice, le sacrifice étant l'acte fondateur à la fois des sociétés et du religieux qu'il est convenu d'appeler primitif. Et à partir de là, vous avez été conduit à réinterpréter les catégories fondamentales de ces religions, à savoir le rite et l'interdit. Alors aujourd'hui, il est question des mythes dont vous proposez une lecture neuve, une lecture dont on peut dire en substance qu'elle repose sur le principe suivant. On peut interpréter, à partir des mêmes clés, le mythe d'Œdipe et les mythes primitifs et même n'importe quel mythe. Bon, le mythe d'Œdipe, tout le monde connaît, il n'est pas utile d'en parler, mais je voudrais donner lecture d'abord de deux mythes dont il va être question tout à l'heure. Le premier, c'est un mythe Ojibwa, c'est-à-dire qu'il appartient à des Indiens qui vivaient au nord des Grands Lacs américains. Les 5 clans primitifs remontent à 6 êtres naturels anthropomorphes sortis de l'océan pour se mêler aux hommes. L'un d'eux avait les yeux bandés et n'osait pas regarder les Indiens, bien qu'il parût en avoir grande envie. Mais un jour, incapable de se contrôler, il souleva enfin son voile et son regard tomba sur un homme qui mourut instantanément comme foudroyé. Car en dépit des dispositions amicales du visiteur, son regard était trop fort. Ses compagnons l'obligèrent donc à retourner au fond des mers. Les 5 autres restèrent parmi les Indiens et leur procurèrent beaucoup de bénédictions. Ils sont à l'origine des clans ou totems. Voici le second texte. De la grande maison d'eau au pays du soleil, arriva il y a bien des années un petit garçon qui chantait si bien que les hommes se rassemblaient autour de lui pour l'entendre. Il s'appelait Milomaki. Mais quand les hommes qui l'avaient écouté rentraient chez eux et qu'ils mangeaient du poisson, il mourait. Avec les années, Milomaki devint un grand jeune homme, mais il avait causé la mort de beaucoup de gens et il constituait un danger. Tous ensemble, les parents des victimes s'emparèrent de lui et le brûlèrent sur un grand bûcher. Au milieu des flammes, Milomaki chantait de façon merveilleuse et finalement il mourut. De ses cendres jaillit le palmier Pachuba, dont le bois sert à tailler les grandes flûtes qui reproduisent les chants de Milomaki. On joue de ces flûtes quand les fruits du palmier sont mûrs et on danse en l'honneur de Milomaki. C'est lui qui a fait don de ces choses à la communauté. Alors, René Girard, évidemment, la relecture que vous proposez de ces textes diffère de celle de Freud et de Lévi-Strauss. Freud d'abord. Totem et tabou est un livre pour lequel j'ai une admiration prodigieuse et qui me paraît, si vous voulez, peut-être la date la plus marquante dans l'ethnologie moderne, puisque c'est la découverte du meurtre réel comme fondateur de la communauté. mais le fait de vouloir nommer la victime, c'est-à-dire de vouloir des personnages déterminés, de fonctionner dans un univers déjà différencié, fait de Totem et Tabou, malgré tout, un dernier mythe. Le mythe le plus proche qui soit de la vérité, mais il y en a déjà d'ailleurs beaucoup, mais malgré tout un mythe, car ce que Freud ne voit pas, c'est l'efficacité sociale. N'est-ce pas ? Cette efficacité sociale, au fond, à laquelle Durkheim attachait tant d'importance lorsqu'il disait le religieux, c'est le social. D'une certaine manière, on pourrait dire que ma thèse, loin d'être quelque chose qui apparaît, si vous voulez, en ethnologie, pour des raisons absolument gratuites, pourrait être lue comme une synthèse de Freud et de Durkheim. Synthèse qui exige évidemment d'apporter ce mécanisme, n'est-ce pas, qui évidemment, à partir du moment où on tient ce mécanisme, les choses changent absolument. Mais la thèse se situe, je crois, dans une certaine lignée ethnologique qui est très importante un peu avant la Première Guerre mondiale, et que le structuralisme représente non pas un élément régressif, je suis loin d'être anti-structuraliste, comme on l'a dit, n'est-ce pas, mais le structuralisme représente la spécification d'un aspect très important qui est le rôle du différentiel en tant que tel dans la communauté. Alors, je crois que la question qu'il faut poser aujourd'hui, c'est celle que le structuralisme dit ne peut pas être posée, celle de l'origine du différentiel dans la culture, qui, à mon avis, mène immanquablement au mécanisme victimaire. Il faudrait peut-être préciser cette notion de représentation aussi. Si l'on résume, le point commun avec Freud, c'est qu'il y a bien victime, il y a bien meurtre. Mais Freud veut personnaliser ce meurtre, enfin bon, c'est le père. Pour vous, la victime est choisie d'une façon différente, vous l'avez expliqué tout à l'heure. Bon, alors, de ce processus, la société se fait une idée qui est fausse. C'est ça. En quoi est-elle fausse exactement? C'est là-dessus que je voudrais qu'on insiste. Elle est fausse, que vous appelez représentation, oui, je oui. crois. Elle est fausse en ceci que la culpabilité de la victime est une accusation arbitraire. Derrière la victime, il y a littéralement n'importe qui. Mais pour le mythe, il n'y a pas n'importe qui. De même que pour Freud, il n'y a pas n'importe qui, il y a le père. N'est-ce pas ? Pour le mythe d'Oedipe, il y a Oedipe. Dans le texte de persécution, lorsque nous le lisons, nous disons, très certainement d'ailleurs ce texte, des juifs ont été tués ou chassés ou dépossédés de leurs biens. N'est-ce pas ? Mais l'identité de ces juifs, nous savons très bien que nous n'arriverons jamais jusqu'à elle, que le texte ne peut pas nous la donner, précisément parce qu'il se fait une idée absolument fausse de ce qu'étaient les victimes. Il se fait une idée littéralement monstrueuse d'hommes qui étaient des hommes comme nous. Donc l'humanité de A à Z n'a pas voulu voir, n'a pas voulu reconnaître ce mécanisme. Très exactement. Et on peut dire que c'est un mécanisme de représentation au sens le plus littéral du terme. La communauté qui a été sauvée de la violence par cet événement bizarre regarde derrière elle et se représente cet événement de façon trompeuse. Ce que je dis, c'est que l'élément de tromperie, désormais, est structurellement identifiable, déterminable. Si j'ai raison, évidemment, c'est le bouleversement total, non seulement dans notre lecture des mythes, du religieux, n'est-ce pas, et de la culture tout entière. Évidemment, la possibilité pour moi d'avoir raison dépend exclusivement des résultats de l'hypothèse. C'est pour ça que j'ai insisté pour vous montrer que non seulement les institutions les plus diverses, mais les grands piliers de la religion primitive, interdits, mythes, sacrés, deviennent compréhensibles pour la première fois. N'est-ce pas ? Alors il ne s'agit pas de croire à ce que je dis, il s'agit de dire on tient là un moyen d'unifier des phénomènes que jusqu'ici nous avons été obligés de lire de façon absolument fragmentaire. Ou bien on croit toujours à la science et on cherche cette unification et cette systématisation, ou bien si on dit, comme le disent certains, ça marche trop bien pour être vrai, etc., etc., nous ne sommes plus dans l'entreprise scientifique. Alors là, je suis tout à fait du côté de Lévi-Strauss, je dis, je suis dans l'entreprise scientifique, c'est la seule qui a jamais donné des résultats durables dans la pensée occidentale, et je me situe carrément de ce côté-là, même si aujourd'hui, à cause précisément des échecs innombrables, n'est-ce pas, on ne parle plus que de polysémie, de fragmentation, on dit que toutes les interprétations se valent et sont sur le même plan. Pour comprendre qu'il n'en est rien, justement, le texte de persécution est infiniment précieux. Si les gens qui disent la lecture des mythes, c'est comme la lecture des œuvres littéraires. Toutes les théories, toutes les lectures se valent. Essayez de faire ceci sur un programme du Moyen Âge, n'est-ce pas ? Tout de suite, vous passerez pour odieux, scandaleux, et à juste titre, n'est-ce pas ? Si vous dites la théorie qui lie la persécution comme persécution, c'est le mythe de l'humanisme occidental. Nous nous trouvons, si vous voulez, devant non seulement une question éthique, morale majeure, mais une question textuelle. Car, bien entendu, ce que je dis a des résonances éthiques. Et c'est à cause de ces résonances éthiques, justement, qu'on dit « ce que vous dites ne doit pas avoir de valeur scientifique ». Parce que peut-être nous partons d'un principe jamais vraiment formulé, qui est que dans notre univers, le savoir et la moralité doivent s'opposer. Et je dis certainement pas. Si nous lisons la persécution du juif au Moyen-Âge comme persécution arbitraire, c'est le seul moyen de rendre compte de toutes les représentations du texte de persécution. Je dis, il en va de même des mythes. Il faut donc essayer de voir ce qui se passe si on fait ceci, et je pense que les résultats sont supérieurs à tout ce qu'on a fait jusqu'ici. Donc parler d'une hypothèse scientifique, c'est ne rien dire d'autre. C'est de dire, donner quelque chose qui fonctionne mieux que ceci. On pourrait peut-être revenir un peu sur les mythes. Il y en a que vous analysez qui sont des mythes où l'on voit une victime qui vient de l'extérieur et qui est jetée d'un précipice, soit disparaît au fond des eaux. Est-ce que vous pourriez deux mythes qui devraient être connus de des gens qui s'intéressent à l'ethnologie à notre époque, car ce sont deux mythes que lit Lévi-Strauss dans le totémisme aujourd'hui. Un mythe ojibwa, n'est-ce pas ? Les ojibwa sont des indiens de la région des Grands Lacs, et un mythe Tikopia qui est à l'autre bout du monde, dans le Pacifique. Dans les deux cas, Lévi-Strauss lit ces deux mythes de façon qui m'intéresse beaucoup, parce qu'il voit dans les deux cas un processus d'élimination. Et pour expliquer ce processus d'élimination, qui porte à mon avis sur une victime, il dit chaque fois, il doit s'agir pour ces communautés de décrire l'opération fondamentale de la pensée, qui est littéralement la discrimination entre les choses. Donc, il dit, dans ces deux mythes, au départ, il y a une totalité trop compacte, les objets sont trop serrés, la pensée ne peut pas passer. Et dans chacun de ces mythes, on expulse une victime qui parfois emporte des biais, et ensuite l'ordre devient possible. Alors Lévi-Strauss dit, nous avons un passage de la quantité continue à la quantité discrète. À mon avis, il ne fait que lire le lynchage, mais sous une forme purement abstraite et logique. Il ne voit pas que dans l'un des deux mythes, comme vous venez de le dire, la victime est précipitée du haut de la falaise, dans l'autre elle est noyée. Le texte est très explicite à ce sujet. Et dans chacun des deux cas, la victime a commis un acte dangereux pour la communauté, au sens où Oedipe l'a fait. Dans le premier cas, la victime a l'œil trop puissant, nous dit le texte de Lévi-Strauss, qui évidemment se sert des sources originelles. Dans le premier cas, il y a 5 individus qui sortent du fond des mers et qui ont un bandeau sur les yeux, parce que leurs yeux sont si forts que s'ils regardaient les indigènes qui sont là, ils les tueraient. Mais il y en a un qui est pris d'une telle curiosité qu'il soulève un peu son bandeau, et immédiatement un Indien tombe mort, foudroyé. Et alors les 5 autres, et là vous voyez l'acte collectif, le rejettent au fond des eaux, c'est-à-dire à mon avis le noient. Alors Lévi-Strauss nous dit, nous avons une totalité trop pleine, l'air ne circule pas, les différences, il a une lecture purement spatiale de la chose, mais l'éjection d'un seul élément permet à la chose de passer. Donc, il parle presque directement du lynchage. Mais il ne veut pas que ce soit le dit. Si vous voulez, il ne veut pas voir la réalité possible de la persécution derrière cette chose. Alors, je dis que sa lecture est impossible, parce que dans les deux cas, la victime nous est présentée, comme vous le disiez, comme venant du dehors. La question n'est pas de savoir si la victime réelle, au sens où je parle de victime réelle, vient réellement du dehors. La question, c'est celle des représentations. Étant donné que ces victimes sont sacrées, la victime nous est présentée comme venant du sacré et y retournant après sa mise à mort. Mais si la victime nous est présentée comme venant du sacré, elle ne fait pas partie de la totalité originaire. Donc la thèse de Lévi-Strauss tombe forcément. Son expulsion ne crée pas plus d'espace qu'il n'y avait au début, puisqu'elle est venue en surnombre, n'est-ce pas? Donc il n'y aurait pas d'origine au sens purement logique que nous décrit Lévi-Strauss. C'est un des arguments que j'emploie, si vous voulez, pour critiquer la thèse de Lévi-Strauss, tout en montrant qu'il passe extrêmement près de ce que je dis. Si vous voulez, qu'il nous donne une espèce de squelette logique de la mise à mort collective. D'ailleurs, il reconnaît lui-même qu'on a affaire à un acte individuel, négativement qualifié par le mythe, c'est-à-dire le regard qui tue, et à un acte collectif, positivement qualifié par le mythe, c'est-à-dire l'expulsion de la victime. Autrement dit, il retrouve tous les éléments dont je parle, mais il se refuse à envisager l'hypothèse que derrière cet événement, il y ait la même chose que le programme du Moyen-Âge. Et toutes les formules que Lévi-Strauss emploie, on peut les employer immédiatement sur les textes de persécution. On peut employer ça. Mais ça a quelque chose de bizarre, hein, car nous savons, en fait, nous ne pouvons pas douter là qu'il s'agisse d'une persécution réelle. Autrement dit, la thèse de la persécution réelle s'est imposée de façon tellement forte à l'esprit occidental, lorsqu'il s'agit du Moyen-Âge, ou lorsqu'il s'agit du Sud-Américain, ou des pogroms en Russie à l'époque des Tsars, qu'une lecture purement abstraite, logique, vous voyez, comme celle de Lévi-Strauss, est impensable. Mais en fait, ça s'applique aussi bien à n'importe quel texte de persécution, tout ce que dit Lévi-Strauss. C'était l'interprétation des mythes, le troisième des 9 volets de la série de Chemin de la connaissance que Roland Hoguet consacrait au livre de René Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde. Première diffusion le 20 décembre 1978 sur France Culture. À suivre.